Chapitre 13e, les lettres. Il tardait au juge d'instruction du Ranton de se trouver dans son cabinet avec son secrétaire, son greffier et son jeune cousin Thirion pour y prendre connaissance des lettres et les étudier à loisir. Allons-nous trouver là-dedans la clé de cette énigme ? Se demandait M. Duranton perplexe. Ce fut vraiment avec émotion qu'ils défirent le paquet. Jacques, en les assemblant, avait eu la précaution de les numéroter au crayon bleu. Elle constitua ainsi un dossier en ordre. M. Duranton prit donc la lettre qui portait le numéro 1. Avant de l'ouvrir, il regarda la date du cachet de la poste annulant le timbre, et l'on contrôla la date du crime de la tilleuse. « L'enveloppe porte la date du jour même du crime, » dit le juge d'instruction, parti de Londres. « Ce qui prouverait, » dit M. Romantin, « que la lettre a été écrite la veille du crime et que la poste anglaise s'en est occupée seulement dans la matinée suivante. Ou bien que la lettre n'a été mise à la poste que le jour même de la date du timbre, » fit observer le jeune avocat Thirion. Le juge conclut. De tout ceci, il résulte que le signataire de cette lettre se trouvait à Londres au moment où les événements se déroulaient ici. « Presque en même temps serait aussi admissible, » fit maître Thirion. « Comment cela, mon ami ? Londres n'est pas en somme plus qu'à quelques heures de Paris. Sans doute, mais un homme qui aurait vu l'incendie de la tilleuse dans la nuit pouvait très bien expédier de Londres une lettre datée du même jour. Il ne lui fallait pas plus de 8 heures, au maximum, pour cela. » Cette remarque frappa tous les esprits. Le juge d'instruction en prit bonne note. « Nous possédons, dit encore maître Thirion, quelques papiers du comte de Saint-Rion. Nous avons trouvé dans les papiers saisis sur le braconnier Gervais des documents écrits par le comte. Avant d'en commencer la lecture, mon cher cousin, voulez-vous que nous fassions la comparaison de l'écriture de ces documents et de celle de ces lettres ? Rien de plus juste, rien de plus utile. » On ouvrit le dossier de cette dramatique affaire. On compara longuement, attentivement, les lettres et les documents. L'écriture est la même. À notre sens, c'est exactement la même. C'est jusqu'à preuve du contraire la même main qui a écrit ces documents et tracé ces lettres. Alors on parcourut les lettres. Elles ne contenaient que des phrases d'affection de tendresse. Mais elles n'apprenaient rien de nouveau. Leur lecture semblait inutile quand un passage de l'une attira l'attention des magistrats. Dans cette lettre, le comte de Saint-Rion donnait l'explication de son retard, de son absence. Elle disait « Pour que je sois ainsi obligé de reculer mon bonheur, ce bonheur après lequel j'aspire depuis si longtemps, tu penses, ma pauvre Madeleine, qu'il faut une raison majeure, une raison des plus graves. Je t'expédie en avant mon bon et fidèle Alexandre qui arrivera à Mantes à l'heure où j'aurai le bonheur de te serrer dans mes bras. Il te dira ma désolation, combien ce contretemps me navre, mais je tiens à te dire ceci, à t'écrire, dès que j'ai un moment pour respirer, pour te rassurer, te donner un peu d'espoir. » Voici ce dont il s'agit en deux mots. J'étais parti tranquille, confiant, ayant en Amérique laissé quelqu'un qui peut me remplacer durant quelques semaines, pendant mon congé. Or, voici qu'un télégramme arrivé en bourse annonce un krach industriel qui porte un coup terrible à notre usine, à notre société. J'ai dû prendre le train et filer en Angleterre pour voir notre correspondant de Londres qui me donnera tous les détails. Si les choses s'arrangent comme je l'espère, je pourrais peut-être demain, dans quelques jours, venir à la tilleuse. Sans cela, ma pauvre amie, je serais forcé de partir immédiatement pour l'Amérique. Alors, ma chère Madeleine, je veux que tu me dises que tu es forte, que tu supportes vaillamment ce contre-coup, pour que moi-même, je ne manque pas de courage devant cette nouvelle séparation. » Le juge d'instruction acheva la lettre. Elle ne contenait plus que des termes d'amitié, des paroles de tendresse, l'envoi d'affectueux baisers. M. Duranton ouvrit encore une lettre datée d'Angleterre. Elle annonçait celle-ci que la présence du comte était indispensable et qu'il devait partir pour l'Amérique. Une autre lettre, celle-là datée d'Amérique, annonçait l'arrivée d'Armand et sa visite à l'usine. Elle disait aussi, cette lettre, que le comte avait l'espoir que son séjour, loin de sa Madeleine bien-aimée, serait beaucoup moins long qu'il ne le redoutait. En somme, rien dans ces lettres ne permettait de douter qu'elle ne fût de la main du comte, et que ce ne fut le comte lui-même qui les eut écrites. Le jeune avocat, maître Thirion, qui décidément demeurait sceptique, quand la lecture de ces lettres fut terminée, prit la parole. « Nous devons nous incliner devant le fait matériel, devant la preuve. Mais convenons, messieurs, que voilà un concours de circonstances probablement unique dans l'histoire des amoureux. » Maître Thirion ajouta, « Quant à cette affaire pressante, ce krach qui arrive ainsi de façon si inopportune, il nous est facile d'en contrôler l'existence. Mais à mon avis, c'est inutile. Ce krach doit exister. Comme il est facilement vérifiable, il existe. Le signataire de ces lettres ne se serait pas avisé d'inventer un tel prétexte, dont nous pourrions, pris de soupçons, vouloir contrôler l'existence. Songez que si nous établissions que ce krach n'a pas existé, que le comte de Saint-Rion n'avait ce soir-là aucune raison de ne pas pousser jusqu'à la tilleuse, nous serions en droit de demander à celui qui nous annonce son arrivée la raison précise de ce mensonge. Le juge d'instruction approuva de la tête et déclara « Je partage l'avis de Maître Thirion ». Maître Thirion, incorrigible, ajouta à mi-voix « Il existe peut-être plus réellement que le comte de Saint-Rion lui-même ».